Salut à tous et bienvenue au podcast Epistemia. Je suis votre hôte, Gabriel Bouvier-Pelletier. J'aimerais prendre un instant avant de commencer définitivement la diffusion pour vous parler un peu du projet. Ce podcast, ou balado, pour ceux qui préfèrent, est le fruit d'un désir d'avoir des conversations intéressantes avec des gens intéressants sur des sujets soit scientifiques, soit philosophiques, ou n'importe quelle nuance entre les deux. Si vous êtes curieux à propos du mot choisi comme titre, laissez-moi vous expliquer. Épistémia, petit mot qui n'existe pas vraiment, représente un peu l'univers du savoir. Il provient a priori du terme épistémologie, qui désigne en français l'étude critique des sciences, ou plus simplement, comment fait-on pour savoir, par quelle méthode, etc. Le terme existe aussi en anglais et propose une définition plus large, mais un peu plus vague, dans le sens qu'il désigne l'étude critique de la connaissance en général. Donc, qu'est-ce que le savoir en soi? Ici, nous nous intéresserons un peu aux deux définitions. Comment fonctionnent les sciences, mais aussi comment fonctionne l'esprit des humains. Le site web d'Epistemia contient aussi un volet culturel, un autre podcast balado qui s'intitule « À temps perdu ». Une fois par mois, mon ami Louis Filiatro et moi, nous lançons des recommandations de films, albums de musique, livres, bandes dessinées, jeux vidéo, etc., que nous allons analyser par la suite. Essentiellement, j'envisage de diffuser 3 épisodes par mois. 2 épisodes d'Epistemia les 1er et 3e mardis du mois, et 1 épisode d'À temps perdu le dernier mardi du mois. Éventuellement, j'espère être capable de diffuser une vidéo le 2e mardi du mois. Donc, voilà le projet. J'espère que vous serez intéressés par les conversations que je vais avoir, et j'espère en avoir beaucoup. Merci.